Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 26. Du quatrième genre de bien, ou des biens de l'ordre moral, entrer en matière, ce qu'ils sont, et comment il est permis à la volonté d'en faire l'objet de sa joie. Les biens de l'ordre moral sont la quatrième sorte de biens, dans lesquels la volonté peut chercher sa joie. Nous entendons par là les vertus morales, et les habitudes qui résultent de leurs actes, l'exercice des œuvres de miséricorde, l'observation des lois divines et humaines, en résumé tout ce qui remplit ordinairement l'activité d'un caractère enclin à la vertu, la possession de ses biens, et l'habitude que l'âme a de ses bonnes œuvres, donne sans doute plus de droit à la volonté de s'en réjouir, qu'aucun des trois autres genres de biens mentionnés jusqu'ici. L'homme est autorisé à y mettre sa joie pour chacune des deux raisons suivantes, ou pour toutes les deux ensemble. D'abord à cause de leur nature, ensuite en considération de leur utilité, qui les rend un moyen efficace de perfection. Or, à ce double point de vue, la possession des trois autres genres de biens exposés plus haut ne mérite nullement que la volonté mette en eux sa joie, car, nous avons pu le reconnaître, ils n'ont aucune valeur intrinsèque, et ne peuvent, de leur nature, apporter aucun bien à l'homme, ils sont caducs et périssables, et, loin de lui être utiles, nous l'avons dit encore, ils sont pour lui une mine inépuisable de peine, de douleur et d'affliction d'esprit. L'homme peut à la vérité se réjouir en eux pour le second motif, c'est-à-dire quand ils lui servent d'intermédiaire pour tendre vers Dieu, mais c'est là un résultat fort incertain, et l'expérience nous le démontre, l'âme en éprouve d'ordinaire plus de perte que de gain. Il en est tout autrement des biens moraux, qui sont, pour le premier motif, c'est-à-dire par leur nature et leur propre valeur, dignes d'attirer l'estime de leur possesseur, et qui en outre apportent avec eux la tranquillité et la paix, la saine raison et la prudence dans les actes. À parler humainement, l'homme ne peut rien posséder de meilleur en cette vie, comme les vertus méritent par elles-mêmes d'être aimées et estimées. L'homme peut naturellement se réjouir de les posséder, et d'en pratiquer les actes, tant à cause de ce qu'elles sont en elles-mêmes, que pour les avantages humains et temporels dont elles enrichissent l'âme. C'est pour cette raison que les philosophes, les sages et les princes de l'Antiquité païenne, les ont appréciés et en ont fait l'éloge, et qu'ils se sont efforcés de les acquérir et de les pratiquer. Sans doute, ils les envisageaient exclusivement au point de vue de la vie présente, et pour les avantages corporels, naturels et terrestres qu'ils savaient devoir en tirer, mais, du moins, ils ont obtenu par ces vertus les biens et la renommée passagère qu'ils ambitionnaient. Dieu, qui aime tout ce qui est bon, même chez le barbare et le gentil, Dieu, nous dit le sage, que rien ne peut empêcher de se montrer bienfaisant. Sapientia, 7, 22, prolonger leur vie pour les récompenser, leur donner de l'accroissement dans la gloire et dans les biens, et affermissait pour eux la paix. Telle fut sa conduite à l'égard des Romains, à qui il assujettit le monde entier, en considération de la justice de leurs lois et de l'austérité de leurs mœurs, accordant ainsi une rétribution temporelle à ceux que leur qualité d'infidèles empêchait de recevoir les récompenses éternelles. Salomon s'était borné à demander à Dieu la sagesse pour instruire son peuple, le gouverner avec équité et le former aux bonnes mœurs. Le Seigneur, qui aime tant les vertus morales, après sa prière et lui répondit, « Parce que vous n'avez point réclamé un grand nombre d'années, ni de grandes richesses, ni la vie de vos ennemis, mais que vous m'avez demandé la sagesse pour discerner ce qui est juste. Voici que je vous ai fait selon votre parole, mais ces choses même que vous ne m'avez point demandées, je vous les ai données, savoir, les richesses et la gloire, de sorte qu'aucun roi ne vous aura jamais égalé en ce point dans tous les siècles passés. 3 Rois 3:11-12:13. Le chrétien peut donc se réjouir de posséder les vertus morales et naturelles, et d'en pratiquer les œuvres, d'où découlent les avantages temporels que nous citions à l'instant. Cependant, ce premier motif ne doit pas être le terme de sa joie, comme il l'était pour les païens, dont le regard ne dépassait pas les limites de la vie présente, éclairés des lumières de la foi, qui lui font entrevoir la béatitude éternelle, sans laquelle l'univers entier ne lui servirait de rien. Le chrétien doit se proposer un motif de joie plus noble, c'est-à-dire, que dans l'exercice des vertus morales, son unique mobile doit être l'amour, le service et l'honneur de Dieu, et l'acquisition de la vie éternelle. Si l'on en fait cette application, les vertus n'ont plus aucun prix aux yeux du souverain maître, comme on le voit dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25:1, etc. Tout avait conservé le trésor de la virginité et accompli de bonnes œuvres, néanmoins 5 d'entre elles n'avaient pas su se réjouir de leurs vertus, dans le sens de ce second motif, c'est-à-dire, qu'au lieu de les rapporter à Dieu, elles s'y étaient complues vainement. Aussi le ciel leur fut-il fermé, et elles n'eurent aucune part aux récompenses et aux tendresses amoureuses de leur époux. Il y eut dans l'Antiquité beaucoup d'hommes vertueux, dont l'existence fut remplie de bonnes actions. Une foule de chrétiens de nos jours entreprennent encore des œuvres fort utiles, mais ce bien ne leur sera pas compté pour le salut éternel, parce qu'ils n'ont pas recherché en cela la gloire et l'honneur dû à Dieu seul, et qu'ils ont pratiqué ces vertus sans amour, loin de se réjouir de la bonté de ses œuvres et de l'honnêteté de ses mœurs. Le chrétien ne doit y placer sa joie qu'en vue de l'amour de Dieu, autant ses actions, ainsi faites sans aucun intérêt humain, seront un titre assuré de récompense et de gloire, autant elles tourneront à sa plus grande confusion, si elles n'ont pas eu pour principe le service de Dieu. Sachez donc surnaturaliser la joie qui vient du bien moral, car la valeur de vos bonnes œuvres, jeûne, aumône, pénitence, prière, etc., se fonde moins sur leur quantité et sur leur qualité, que sur l'intensité de l'amour qui en est le mobile. Moins vous y avez recherché un intérêt personnel de joie, de plaisir, de consolation et de louange, plus elles sont accomplies avec pureté et perfection, plus aussi elles deviennent précieuses aux yeux de Dieu. Ne reposez donc pas votre cœur sur la jouissance, la ferveur et les autres avantages humains, qui accompagnent souvent l'exercice des bonnes œuvres. Désirez plutôt servir Dieu par leurs moyens, concentrez la force de votre joie en lui seul, éloignez toute pensée étrangère à son honneur et à sa gloire. Alors votre âme, ainsi détachée, sera agréable au Seigneur, et vos actes, connus de lui seul, charmeront ses regards. Dieu deviendra le centre où se portera toute la force de votre volonté, en ce qui concerne les biens de l'ordre moral. Chapitre 27. Des 7 espèces de dommages, auxquels la volonté s'expose, en plaçant sa joie, dans les biens de l'ordre moral. Les principaux dommages auxquels l'homme peut être entraîné, par la joie frivole qu'il prend dans ses bonnes mœurs, et dans ses exercices pieux, sont d'autant plus pernicieux qu'ils sont spirituels. J'en trouve 7 dont je vais faire ici une courte énumération. Plaçons en première ligne la vanité, l'orgueil, la vaine gloire et la présomption. Il est impossible de se réjouir de ses œuvres sans les estimer, de là résulte la jactance, et les autres vices qui en sont les compagnons inséparables. La prière du pharisien de l'Évangile, Luc 18, 12, qui se vantait déjeuner et de faire d'autres œuvres pies, convient parfaitement à ce que nous disons. Le second inconvénient tient habituellement au précédent, il consiste à faire de Dieu ce comparaison, à juger les autres mauvais et imparfaits, à apprécier leur conduite et leurs actes moins que les nôtres, alors on les mésestime au fond du cœur, et on ne craint pas même de manifester cette disposition par des paroles, c'est le langage du pharisien, « Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis point comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes et adultères, ni même comme ce publicain, Luc 18, 2. » Ainsi un seul acte l'entraînait dans une double faute, s'estimer lui-même et mépriser les autres. Combien de chrétiens de nos jours tombent dans le même péché et disent « Je ne suis pas comme un tel, je ne fais pas ceci ou cela, comme celui-ci ou comme celui-là », on en voit même plusieurs surpasser en orgueil le pharisien, celui-ci méprisait, il est vrai, tout le monde en général, et le publicain en particulier, « Je ne suis pas, disait-il, comme cet homme ». Mais ceux dont nous parlons vont plus loin encore, ils en arrivent à s'irriter des louanges adressées à leurs prochains, et à porter envie à ceux dont les actions ou les qualités éclipsent les leurs. Le troisième dommage consiste en ce que ces personnes ont coutume de chercher dans leurs œuvres, ce qui flatte leur amour propre, et de les abandonner quand elles n'espèrent pas en recueillir le plaisir d'aucune louange, comme le dit Jésus. Christ, elles font tout afin d'être revues des hommes, Matthieu, 23, 5, et n'agissent jamais purement en vue de Dieu. Le quatrième dommage résulte de ce dernier, c'est la privation de la récompense divine, pour avoir poursuivi la récompense terrestre en cette vie, par les joies, les plaisirs et les satisfactions d'intérêts personnels de toutes sortes. Notre Seigneur ne nous affirme-t-il pas que ces personnes ont reçu leur récompense, Matthieu 6, 2. Aussi ne retireront-elles de leurs œuvres que peine et confusion, sans pouvoir prétendre à la moindre rétribution. Hélas, quelle est profonde la misère où ce mal plonge les enfants des hommes. Je tiens pour certain que la plupart des œuvres faites en public sont vicieuses ou n'ont aucun prix. Et qu'elles sont imparfaites ou défectueuses devant Dieu, parce qu'on n'est pas dégagé des intérêts de l'égoïsme et des motifs du respect humain, que penser de certaines actions entreprises dans le seul but de satisfaire la vanité mondaine, et de s'attirer des honneurs, de ces monuments, édifiés par des vues toutes humaines, pour immortaliser un nom, un titre, une lignée. L'orgueil ne pousse-t-il pas les gens du siècle à placer leurs armes et leurs blasons jusque dans les églises, comme s'ils voulaient se substituer aux images des saints, devant lesquelles tout le monde fléchit le genou? Nous pouvons dire que ces personnes-là s'estiment supérieures à Dieu, mais sans parler de ceux dont l'ambition atteint cette dernière limite, combien y en a-t-il? Ils dont les œuvres sont entachées d'une multitude de fautes semblables, parmi eux plusieurs désirent s'attirer des louanges par leurs actions, d'autres veulent en recevoir des témoignages de reconnaissance, ou savoir qu'on en tient compte, être assuré que leurs œuvres sont connues d'un tel ou d'une telle, et même du monde entier. Font-ils une aumône, ils ont soin de la faire passer par les mains d'un tiers, afin d'en augmenter davantage la publicité. D'autres enfin ont toutes ces prétentions à la fois, n'est-ce point là sonner la trompette comme font les hypocrites? Matthieu 6, 2, nous dit le divin Sauveur dans l'Évangile. Aussi ne recevront-ils de Dieu aucune récompense pour leurs œuvres. Si donc vous voulez éviter ce péril, cachez vos bonnes actions, de sorte que Dieu seul en soit le témoin, et gardez-vous de désirer l'approbation des autres. Non seulement vous devez les dérober à tous les regards, mais encore à vos propres yeux, c'est-à-dire que c'est une obligation pour vous de ne pas vous y complaire, comme si elle valait quelque chose. Tel est le sens spirituel de cette parole, que votre main gauche ne sache point ce que fait votre main droite, Matthieu 6, 3. En d'autres termes, ne considérez pas d'un œil terrestre et charnel vos œuvres spirituelles, c'est là ce qui s'appelle concentrer en Dieu la force de la volonté, et c'est ainsi que les actes fructifient en sa présence, sans cette direction. L'âme perdra tout le fruit de ses bonnes œuvres, et par sa vanité et sa jactance secrète, elle se rendra très coupable devant Dieu. La parole de Job s'applique admirablement à ce sujet, « Si mon cœur s'est réjoui dans le secret, et si j'ai porté ma main à ma bouche pour la baiser, j'ai commis une grande iniquité. » Job 31, 25, 27, 23. La main est ici le symbole de l'action, et la bouche signifie la volonté qui s'y complaît. Or, comme il y a là, ainsi que nous l'avons expliqué, une complaisance en soi-même, le saint homme Job a dit, « Si mon cœur s'est réjoui dans le secret, c'est une abominable iniquité, c'est une sorte de négation de Dieu. » En effet, s'attribuer et se rapporter à soi-même une action, c'est nier les droits essentiels de Dieu, l'unique auteur de tout bien, c'est suivre l'exemple de Lucifer qui, se revêtant de ses propres dons, se complut en son cœur et refusa à Dieu la gloire qui lui est due. Le cinquième dommage est d'entraver les âmes dans le chemin de la perfection. Les goûts et les consolations enchaînent ceux qui ont l'habitude de les rechercher dans l'exercice de leurs œuvres. Aussi, lorsque la pratique des vertus n'est plus à ces âmes une source de délices intérieures, elles se désolent, ne comprenant pas que c'est là un effet de la conduite du Seigneur à l'égard de celle qu'il veut élever à un plus éminent degré de sainteté. Il retire à ses âmes le lait des petits-enfants, pour leur distribuer le pain dur, ou celui des parfaits. Il éprouve ainsi leur force, et purifie leurs désirs, en substituant l'aliment des forces à une nourriture délicate et tendre. Mais ces âmes faibles, qui méconnaissent le plan divin, se déconcertent, perdent courage et ne persévèrent pas dans leurs bonnes résolutions, desquelles n'y trouvent plus la douceur qui les captivait autrefois. Appliquons-leur, d'après le sens spirituel, ce texte du sage, « Les mouches qui meurent dans le parfum gâtent la bonne odeur » Ecclésiaste 10, 1. Quand l'épreuve de la mortification se présente à ces âmes molles, elles se découragent et meurent à leurs bonnes œuvres, c'est-à-dire, les abandonnent, et renoncent de la sorte à la suavité de l'esprit et à la consolation intérieure, qui devait couronner leur persévérance. Le sixième dommage est une tendance habituelle à l'illusion. Dans l'appréciation des choses et des œuvres, on base leur valeur plus ou moins grande sur les inclinations naturelles. D'après cette mesure, les unes sont louées et estimées, les autres désapprouvées et méprisées. Cependant, pour l'ordinaire, les œuvres qui mortifient davantage la nature, surtout chez les âmes encore peu avancées dans la perfection, sont plus précieuses aux yeux du Seigneur, et plus dignes d'être agréées de lui, que les actions qui flattent les attraits naturels. Celles-ci exposent l'âme à s'y rechercher, et celles-là lui font pratiquer l'abnégation. Le prophète Michée dit à ce propos, « Ils appellent bien le mal qu'ils font », citation 2.8.3, c'est-à-dire, ils envisagent dans leurs œuvres leur propre satisfaction, de préférence au bon plaisir divin. Il serait trop long de décrire l'empire que ce mal exerce sur les personnes adonnées à la spiritualité. Comme sur le commun des hommes, à peine trouvera-t-on quelqu'un dont les actes aient pour mobile l'amour de Dieu, sans s'appuyer sur un intérêt humain ou sur une satisfaction passagère. Si l'homme n'étouffe pas la joie frivole qu'il prend dans ces sortes de biens, il éprouve le septième dommage, et devient alors incapable d'accepter un sage conseil et de suivre une ligne de conduite raisonnable. Dans les devoirs de son état, l'habitude qu'il a de rechercher un vain plaisir dans ses actions l'affaiblit et l'enchaîne à son propre sens. D'un côté, il est porté à ne pas reconnaître que le conseil d'autrui est le meilleur, et de l'autre, s'il l'estime conforme à la raison, il n'a pas le courage de le suivre. Les saintes ardeurs de la charité à l'égard de Dieu et du prochain se refroidissent alors au contact de l'amour propre, qui se mêle à toutes les œuvres de l'âme. Chapitre 28. Des avantages que recueille l'âme à détourner sa joie des biens de l'ordre moral. D'immenses avantages résultent pour l'âme du refus qu'elle fait d'appliquer la vaine joie de sa volonté à cette sorte de bien. Le premier la met à l'abri d'une foule de tentations, et dissipe les illusions du démon. Cachée sous l'amorce trompeuse de la joie inspirée par les bonnes œuvres, écoutez à ce propos la parole du patriarche de l'Idumée. Il dort sous l'ombre, dans le secret des roseaux et dans des lieux humides. Job 40, I 6. C'est le démon qui se sert, pour surprendre l'âme, de cette joie et de ses actions frivoles, figurées par les lieux humides et par la fragilité du roseau. Or, il n'y a rien d'étonnant à ce que le génie du mal nous trompe secrètement, sous le voile de cette joie qui est déjà mensongère par elle-même, surtout si une certaine tendance à la présomption vient encore s'y adjoindre. Le prophète Jérémie ne nous dit-il pas, « Votre insolence et l'orgueil de votre cœur vous ont séduit » Jérémie 49, 16, « Est-il en effet une plus grande illusion que l'orgueil ? Croyez-moi, le seul moyen d'y échapper, c'est de renoncer sans retour à cette vaine joie. Grâce au second avantage, le chrétien accomplit ses œuvres avec plus de maturité et de perfection, qu'il ne saurait le faire s'il donnait cours à la passion de la joie. Cette passion excite à tel point l'appétit irascible et concupiscible, que la raison perd toute son autorité, elle rend l'homme versatile dans ses actions et dans ses projets. Sa vie se passe à mettre de côté ceci pour entreprendre cela, à commencer une chose, ou à l'abandonner, sans jamais rien achever. Le mobile de ses œuvres, c'est le goût qu'il y trouve. Or ce goût est très variable en soi, et plus ou moins inconstant selon la diversité des natures. Vient-il à disparaître, on voit s'évanouir aussi les œuvres et les projets, même les plus importants. Chez ces personnes, le plaisir est comme l'âme et la force de leurs entreprises. Quand ce stimulant n'existe plus, c'en est fait de leur persévérance, et l'œuvre est réduite à néant, semblable à ceux dont parie le Christ, qui écoute la parole avec joie. Mais le diable vient ensuite qui enlever cette parole du cœur, de peur qu'il ne croie et ne soit sauvé. Luc 8, 12. Comment expliquer ce triste résultat? Ah, c'est que la semence divine n'avait pas d'autre force, ni d'autre racine, dans leur cœur que le plaisir dont nous parlons. C'est donc une excellente disposition, pour réussir et pour persévérer dans le bien, que d'interdire cette joie à la volonté et de l'en détourner totalement. Quel précieux avantage apporte l'abnégation! Mais aussi combien le contraire est un mal funeste. L'homme sage fixe ses yeux sur l'utilité, sur le fruit essentiel de l'action, et ne considère pas la saveur et le goût qu'il peut trouver. Par cette prudente conduite, il ne lance pas ses flèches en l'air, et ne recherchant pas les douceurs sensibles, il retire de son action une joie pure et durable. Le troisième avantage est tout divin, c'est-à-dire qu'en réprimant la satisfaction frivole goûtée dans ses œuvres, l'homme acquiert la pauvreté d'esprit, et participe de la sorte à une des béatitudes proclamées par le Fils de Dieu. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Celui qui renoncera à ses plaisirs jouira d'un quatrième avantage, il deviendra doux, humble et prudent. Il ne se laissera pas dominer par l'impétuosité et la précipitation, ni entraîné par l'appétit concupiscible et irascible de la joie, il n'y aura plus pour lui de motif de présomption dans les œuvres, où il trouvait autrefois une vaine jouissance, enfin il enlèvera le bandeau de la passion qui l'aveuglait. Le cinquième avantage rend l'homme agréable à Dieu et au prochain, il le défend des vices odieux de l'avarice, de la gourmandise, de la paresse, de l'envie spirituelle, et de mille autres que je m'abstiens de nommer.